Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Qui avait peur du grand méchant loup? C'est la question que Franck Ferrand se pose aujourd'hui dans Au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Les complaintes médiévales, les contes, notamment les contes de Perrault bien sûr, et jusqu'au malheur de Sophie, vous savez, tout ça est plein de loups qui hantent les forêts et menacent de dévorer les enfants. Alors, d'où vient cette peur ancestrale? Quelle a été réellement la place du loup dans la vie, dans l'imaginaire de nos ancêtres? Ce sont des questions que nous allons évoquer avec le plus grand spécialiste du sujet, Jean-Marc Morisseau. Avant cela, je vous aurais raconté quelques grandes histoires de chasse au loup. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Greg à propos du droit du sol. Oui, droit du sol, droit du sang, voilà un sujet où l'histoire, on peut dire, débouche directement sur des considérations très actuelles. Alors je répondrai à la question de Greg tout à l'heure. Pour le moment, je vous propose de faire connaissance avec les louvetiers d'autrefois. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui, le loup est donc de retour en France. Je vous le disais tout à l'heure, ça fait à peu près une vingtaine d'années. On peut dire qu'il se fait plutôt rare. Alors qu'à la fin du XVIIIe siècle, on comptait les loups par dizaines de milliers sur l'ensemble du territoire. L'animal s'est fait rare dès le XIXe siècle, il faut le dire. Sa présence s'éclaircit nettement au lendemain de la Révolution dans les régions du Nord et du Nord-Ouest et dans un large Sud-Ouest, écrit Jean-Marc Morisseau. Ailleurs, sa répartition devient diffuse, avec des vides importants. L'ouvrage de Jean-Marc Morisseau sur les pas du loup est passionnant, on va y revenir évidemment, on va le feuilleter ensemble tout à l'heure. À la fin du XIXe siècle, on en est encore à accorder, dans un certain nombre de régions, des primes aux chasseurs qui détruiraient des loups. À tel point, je cite encore notre auteur, qu'au milieu des années 1920, les loups autochtones ne survivent plus que dans quelques secteurs reliques, dont le plus visible se loge dans le centre-ouest. Cette époque est bien celle des derniers loups. Alors il y a eu une sorte de passage à vide, un désert de loups, on pourrait dire, pendant le XXe siècle, et puis jusqu'à cette recolonisation très mesurée, d'ailleurs, du tout début des années 1990. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant des siècles, le loup a été chassé, qu'il était considéré avant tout comme un gibier, et quand je dis comme un gibier, pour être plus exact, comme ce que les chasseurs appellent un nuisible. Et que, évidemment, certains, peu à peu, s'étaient spécialisés dans cette chasse. Si l'on remonte, on pourrait remonter à l'Antiquité, il y a énormément d'histoires de loups, notamment dans la littérature grecque. Mais si on ne revient qu'au Moyen-Âge, disons au Haut Moyen-Âge, c'est sous Charlemagne, à la toute fin du règne, donc au IXe siècle, que sont créés les fameux loups paris, ces chasseurs qui ont le droit, qui ont l'exclusivité de la chasse aux loups sur les terres de l'empereur. Lorsqu'on va fouiller les archives, on se rend compte qu'en 1202, 1203, 1206 ont été versées des primes à des chasseurs de loups. Et en 1308 apparaît le premier louvetier du roi. Voilà un titre qui apparaît dans les offices de cour. Gilles Le Rougeau devient le louvetier de Philippe le Bel. Je trouve que ça va bien, c'est peut-être à cause du titre de, vous savez, de Maurice Druon, la Louve de France. Mais il y a quelque chose du loup dans cette cour de Philippe le Bel. En 1323, Pierre le Bézu devient louvetier de Charles IV et la chasse au loup, à ce moment-là, devient une activité vraiment très prisée par toute une partie de la noblesse. On va créer bientôt, sous les ordres du louvetier du roi, des lieutenants de louveterie, ce qui signifie que l'activité se développe. Hein. Les premiers lieutenants de louveterie sont créés sous Louis XI en 1471 et la charge très honorifique de grand louvetier du roi est créée sous le règne de Charles VIII. Il apparaît dans les comptes du trésorier général des finances. Le premier grand louvetier, c'est Mathieu de Beauvarlais. On est dans ce contexte d'insécurité générale du 15e siècle, évidemment. C'est François Ier qui va préciser les fonctions de louvetier. Il officialise cette louveterie en tant qu'institution militaire royale. Oh, ça c'est pour une raison bien simple, hein. On est à l'époque de la vénalité des offices. Et François Ier cherche tout simplement des fonds pour le trésor, donc ça fait une charge de plus à vendre, tout simplement. Alors, quel est le rôle de ce louvetier? Eh bien, il commande un équipage qui peut être un équipage important, destiné à la chasse au loup, avec pour objectif de détruire. C'est bien ça l'idée. On n'est pas dans une chasse respectueuse, en quelque sorte. Hein. C'est pas une chasse au grand gibier roux noir. Là, on est dans une revendication de destruction des loups via une chasse à cour avec des chiens qui sont souvent des lévriers. Il faut des chiens extrêmement agressif et rapide, bien entendu. On chasse également le loup avec des pièges, à l'affût. On met souvent en place de grandes battues. On va revenir évidemment tout à l'heure sur tous ces procédés. Le louvetier est un des grands officiers. Il prête serment de fidélité au roi et il a donc sous ses ordres ses différents lieutenants qui sont envoyés dans les différentes provinces et qui parfois sont des envoyés spéciaux de la cour lorsqu'une bête sème la terreur dans un village ou dans un endroit donné. Le roi envoie ses lieutenants de louveterie pour essayer de calmer les populations. Il y a, et ça on va y venir, ce sera tout l'objet de la deuxième partie de cette émission, il y a une sorte de peur du loup qui va peu à peu se développer dans les populations et on verra jusqu'où cette peur du loup était rationnelle. Alors, on connaît un certain nombre des grands louvetiers de France. Hein. Certains ont été de grands seigneurs, Antoine de Crèvecœur, François de Villiers, Joyeuse a été le célèbre duc de Joyeuse a été grand louvetier, Robert de Harlay, Claude de Rouvroy, qui est donc le grand-père de notre mémorialiste Saint-Simon, etc. La charge va se maintenir jusqu'à la Révolution. Cette charge perd un tout petit peu de son importance, mais, et là il faut absolument citer un personnage historique qui a joué un rôle très important dans la chasse au loup, c'est le fils de Louis XIV, c'est le grand dauphin qu'on appelait Monseigneur à la cour et qui lui est un grand chasseur de loups devant l'Éternel. Pour lui, cette chasse est devenue une sorte de passe-temps favori. Il y a quelque chose de particulier dans la chasse au loup parce que c'est une chasse à cour, on appelle ça à force ouverte, on suit le gibier jusqu'à épuisement. Et il y a donc quelque chose de particulièrement sportif. Et c'est un gibier qui en soi n'est pas dangereux, mais qui se dérobe constamment devant le chasseur. Et on peut dire que le grand dauphin aura fait un terrible massacre de loups pendant toute son existence. Le lieutenant des chasses de Versailles et Marly de l'époque, qui s'appelait le roi, dit « Il ne faut pas beaucoup d'expérience à un loup adulte pour apprendre que l'homme est son ennemi. Dès qu'il paraît, il est poursuivi. L'attroupement et l'émeute lui annoncent combien il est craint et tout ce que lui-même doit craindre. » Allez vous étonner après cela que des générations de loups se soient montrées méfiants. Dès 1682, Monseigneur constitue un équipage supplémentaire qui va être son propre équipage, financé sur sa cassette personnelle. Lui qui est assez regardant, c'est notable, évidemment, cet effort qu'il fait en faveur de la chasse aux loups. Ça lui plaît énormément. On peut dire que dans ce domaine, il ne regarde pas à la dépense. Son équipage est conduit par un certain Bernard Pré, qui est lieutenant général de la Grande Louveterie de France, qui donc exerce en parallèle au grand louvetier, qui lui est le marquis d'Audicourt, grand personnage de la cour de Louis XIV. Alors, de quoi se compose l'équipage de Monseigneur? Bien de 6 gentilshommes, 6 veneurs ou piqueurs qui sont à cheval, 16 valets pour rabattre et pour s'occuper bien sûr des chevaux, un pourvoyeur de l'écurie. En 1708, la louveterie de Monseigneur compte quand même 50 chevaux de selle et une meute de 100 chiens. Et l'on porte pour participer aux chasses de Monseigneur une livrée spéciale qui est présentée pour la première fois à la cour le 15 juin 1686, un habit de drap vert galonné d'or. On écoutait Krishna Levy sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Lou de Nicolas Vanier, sorti en 2009. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à ces histoires de grands méchants loups. Alors oui, Monseigneur, le fils de Louis XIV, court le loup à peu près partout dans l'île de France. On le voit partout, hein, dans les forêts de Versailles et Marly, bien entendu, mais jusqu'à Chantilly, Boulogne, Fontainebleau, de l'autre côté à Sénart, à Montfort-la-Maurie, etc. Il va loin, jusqu'à Montmorency, jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges. Le grand dauphin parcourt parfois de très grandes distances. On sait que le 6 septembre 1684, il chasse le loup jusqu'à 8 lieues. 8 lieues, ça fait plus de 32 kilomètres. Il arrive à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il est chez le duc de Noailles à ce moment-là. Et il est de retour en pleine nuit, mais après avoir pris son loup. C'est-à-dire qu'il a poursuivi la pauvre bête comme ça pendant des dizaines de nos kilomètres. Le journal de Dangeau nous apprend que le 25 novembre 1684, Monseigneur étant malade, il ne put aller à la chasse, nous dit le mémorialiste qui tenait, vous savez, ce journal un peu plat de la cour de Louis XIV, mais il fit faire dans le parterre de l'amour la curée du loup que ses chiens avaient pris et il la voyait de son lit. Je crois qu'on peut parler d'une grande passion. Le 21 mars 1685, le même nous dit, la chasse fut rude, il y eut 7 ou 8 chevaux crevés à la course, vous imaginez ? C'est-à-dire qu'on va, on porte les chevaux jusqu'à l'épuisement et on en change pour continuer à suivre le loup. En 1686, Monseigneur court le loup plus d'une centaine de fois dans l'année et en septembre, on sait que sur 8 jours, septembre c'est la période de Fontainebleau, hein, il va chasser le loup 6 fois en 8 jours. Le 11 avril 1685, il court comme ça le loup jusqu'à 10 lieues, 40 kilomètres de Versailles. Il ne revient qu'à 23 heures. Et à cette époque, une légende se met à courir. On dit que le grand dauphin aurait poursuivi le loup durant 400 kilomètres de Fontainebleau jusqu'à Rennes. Vous imaginez, là ça paraît quand même beaucoup et pour tout vous dire, on ne retrouve aucune trace de cette aventure dans les archives. Le 18 janvier 1686, à la tombée de la nuit, Monseigneur est à proximité d'Annette, qui était le grand château de Diane de Poitiers, vous savez. À l'époque, il appartenait ce château au duc maréchal de Vendôme. Et Monseigneur arrive tellement tard qu'il va passer la nuit chez Monsieur de Vendôme, pour lequel il avouait beaucoup d'amitié, nous dit Dangeau. Le 26 décembre 1698, c'est lui-même qui va tuer le loup. D'habitude, c'est le rôle qui est assigné à son veneur. Il va s'en charger lui-même. Et le 21 juin 1704, on le voit rentrer bredouille. Alors là, on imagine la colère et l'abattement du grand dauphin. Ça ne lui arrivait vraiment pas souvent. C'était suffisamment rare pour être noté. Alors, en souvenir de cette existence tellement marquée par une chasse si particulière, Monseigneur va commander au grand peintre animalier François Desportes un tableau, très célèbre tableau, qui s'appelle tout simplement La chasse au loup, qui se trouve aujourd'hui au musée de Gien. C'est un très beau tableau. Vous savez, Desportes avait ce don pour saisir le mouvement des chiens. Et là, on voit une meute de chiens. Ce sont des lévriers, hein. Ils sont très effilés. Ils ont les dents, les crocs sortis. Et on les voit qui sautent littéralement sur le loup, qui l'attrapent par l'oreille. Et on voit, si vous regardez le tableau très attentivement, vous voyez dans les fonds du tableau, sur les frondaisons lointaines, vous voyez apparaître Monseigneur et ses suiveurs. Alors, cette chasse au loup, elle était vraiment la particularité, c'était le hobby, si j'ose l'expression, du grand dauphin. Mais il faut dire qu'à la cour, il n'était pas le seul. Sa tante par alliance, la princesse Palatine, aimait elle aussi chasser le loup. Dans sa correspondance, à la date du 15 mai 1697, on lit « Samedi, je partis à 8h du matin pour aller à 5 lieues d'ici à la chasse du loup. Je ne revins qu'à 5h et nous ne dînâmes qu'à 6. » Dîner, à l'époque, c'est notre déjeuner. Vous voyez, donc elle déjeune à 6h tellement elle était passionnée par sa chasse. Et le 21 juin suivant, il y a un mois, je fus avec monsieur le dauphin à la chasse du loup. Il avait plu, le terrain était glissant. Nous avions cherché un loup durant 2 heures et ne le trouvant pas, nous nous rendîmes dans une autre enceinte où nous comptions en trouver un. Au moment où nous suivions un sentier, il en part un presque devant mon cheval qui s'emporte et se dresse sur ses 2 pieds arrière. Il glisse et s'abat sur le côté droit. Mon coude rencontre une grosse pierre et je me démis l'os. Madame Palatine écrit par ailleurs d'ailleurs dans une autre lettre à sa tante Sophie de Hanovre, « Le loup est bien moins à redouter à la chasse que le cerf, car lui n'attaque jamais. » C'est, si vous voulez mon avis, un curieux aveu, ça, de la part d'un chasseur, ou plutôt d'une chasseresse. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à cette incroyable chasse au loup. Alors, cette chasse au loup, évidemment, elle va se poursuivre bien après la mort de Monseigneur. Vous savez qu'environ un demi-siècle plus tard, il y aura cette célèbre affaire de la bête du Gévaudan, dont nous avons abondamment parlé à ce même micro, avec Michel Louis, qui a, à mon avis, résolu ce qui est longtemps passé pour une énigme, et qui aujourd'hui reste, disons, encore une affaire mystérieuse. Alors, cette bête du Gévaudan n'était sûrement pas un loup, mais en tout cas, c'est bien le grand louvetier de France qu'on avait envoyé, que Louis XV avait dépêché sur place pour en avoir raison. Alors, c'est sous ce règne de Louis XV que va naître peut-être la plus grande chasseuse de loups. Après la princesse Palatine, Marie-Cécile Charlotte de Loretan était baronne de Drec. Enfin, elle est devenue baronne de Drec. C'est elle qui disait qu'elle préférait la chasse à tous les propos d'amour. Elle avait contracté la passion extrêmement jeune, à l'époque où elle accompagnait son oncle à cette chasse. Plus grande, on l'avait vu d'ailleurs chasser les rats jusque dans le couvent où elle étudiait. Elle chassait les rats avec un gourdin. On dit qu'elle déplaçait les meubles pour parvenir à ses fins. Et à sa sortie du couvent, elle choisit de porter, s'il vous plaît, une veste de chasse. On est là dans les années 1770, hein, à la toute fin du règne de Louis XV. Elle porte une veste de... Même pas 70, 60. Une veste de chasse, une culotte, des bottes. Elle a son fusil à l'épaule. Et on peut dire qu'elle ne voit son avenir que dans la chasse. C'est un garçon manqué, disons. Elle n'a pas grand-chose d'une femme, ni dans son physique, ni dans sa tenue, ni dans ses occupations. Cette femme remarquable, nous dit un témoin, n'avait pas le caractère approprié à son sexe, elle n'en avait pas non plus la structure, d'une taille moyenne, ordinaire pour un homme, et elle était rien moins que belle pour une femme, elle eût été ridicule sous un costume féminin. Alors, néanmoins, un certain baron de Drec accepte, ça s'écrit D-R-A-E-T-R-E-M-A-K, accepte de l'épouser, et ce, tout en la laissant, évidemment, libre de s'habiller en homme, sauf qu'ils vont se présenter devant le curé, habillés tous les deux en homme, et à l'époque, on est très loin du mariage gay, vous savez, ça a fait un vrai scandale. Le curé les a renvoyés se changer et elle a été obligée d'aller passer une robe. On pense que ce mariage, au reste, est demeuré blanc. Est-ce qu'ils ont connu le bonheur, les deux époux Drec? Oui, probablement. Elle n'en continuait pas moins de pratiquer l'escrime, l'équitation, etc. Néanmoins, lui voulait des enfants et ça, elle n'en veut pas. Et ce sera l'origine de leur rupture. Ce qui intéresse la baronne de Drec, c'est, je vous l'ai dit, la chasse au loup. Dans les bois d'Eperlec, près de Zutkerk notamment, elle en fait vraiment une spécialité. Elle a une meute impressionnante, 40 chiens qui la suivent partout. Et l'on sait dans la région, on sait encore aujourd'hui que tout le pays entre Arras et Douai a été littéralement débarrassé des loups par cette fameuse baronne de Drec. Une année au bout de 6 semaines de chasse, nous dit un biographe, et après avoir battu tous les coins de la région hantée par les redoutables carnassiers, l'infatigable maîtresse d'écrypage rentra chez elle avec 21 têtes de loup sur l'impériale de sa voiture. Vous voyez un petit peu le prédateur. Hein. Elle était extraordinaire. Elle a continué, cette baronne de Drec, à chasser jusqu'à l'âge de 70 ans. Elle ne s'est arrêtée qu'en 1813, c'est-à-dire 10 ans avant sa mort. Et un mémorialiste estime qu'elle aurait tué 680 loups pendant toute sa carrière. Cela ne lui suffisait du reste pas. Elle disait: si je pouvais être nommée louvetière de plusieurs départements, un seul loup ne paraîtrait plus dans le pays que j'aurais sous la surveillance. Vous voyez un peu le genre. Alors, très peu de temps après, dans les années 1830, on va connaître un autre loup, une autre affaire célèbre. Si vous allez du côté du château de Camors, près d'une forêt épaisse, on est dans le Morbihan, là, en Bretagne, vous trouvez encore une plaque qui dit: ici fut tué le dernier loup de Bretagne. Alors, qui était-il, ce dernier loup? On pensait qu'il avait été abattu lors des guerres napoléoniennes. Sa tête ornait la salle d'armes du château. Sauf que dans l'hiver 1832-1833, un mouton se retrouve égorgé dans un pré voisin. Alors le propriétaire assure qu'il a relevé des traces de loup. Le baron de Camors pense à un chien affamé. armée. Il va se mettre lui-même en chasse. Une énorme battue est organisée. Et puis, à un moment, le baron se retrouve nez à nez avec un immense loup qui finit par disparaître. Alors, tout l'hiver, le châtelain va décider de nourrir le loup. Il achète un agneau. Il laisse traîner des morceaux de viande dans le domaine. Et ça fonctionne. La viande disparaît. En mars, on n'entend plus les hurlements du loup. Le baron pense que la bête a rejoint sa forêt natale. En vérité, il se trompe parce qu'un matin, des paysans ont réveillé le baron. Ils sont venus lui apporter le cadavre du loup qui avait été pris tout bêtement dans un piège à dents. Ce loup avait été achevé à coups de fourche. Une tristesse envahit Monsieur de Camors et la tradition veut qu'il ait été tellement triste qu'il ait fini par se suicider d'un coup de pistolet. Il savait qu'il ne reverrait jamais plus ce loup qui était alors là véritablement le dernier loup de Bretagne. On écoutait Sergueï Prokofiev, un extrait de Pierre et le Loup, joué par l'Orchestre Symphonique de Paris. Oui, ça s'imposait, Pierre et le Loup. Bonjour Jean-Marc Morisseau. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes professeur à l'Université de Caen et membre de l'Institut Universitaire de France. Vous présidez l'Association d'Histoire des Sociétés Rurales et vous vous êtes plus que penché sur la question du loup, au point de lui consacrer deux gros ouvrages passionnants. On se rend compte finalement que cette histoire de loup a d'abord été une histoire de chasse, mais pas seulement. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Walt Disney sur Europe 1, la version originale de Qui a peur du grand méchant loup, puisqu'on parle du loup aujourd'hui dans Au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand et Jean-Marc Morisseau, auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème, sur les pas du loup aux éditions Montbel et L'homme contre le loup, une guerre de 2000 ans aux éditions Pluriel. Alors justement, Jean-Marc Morisseau, on entendait là les trois petits cochons, on va venir sur l'imagerie, l'imaginaire, sur toute la fantasmatique du loup. Mais avant cela, j'aimerais que l'on conclue en quelque sorte mon histoire de chasse au loup. C'est assez étonnant de voir à quel point, on peut dire depuis l'Antiquité, l'être humain s'est affronté au loup et a voulu éradiquer en quelque sorte sa présence des zones habitées par l'homme. Tout à fait, entre l'homme et le loup, depuis le néolithique et au moins depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, ce sont des siècles et des siècles de lutte intense. L'homme et le loup sont des concurrents, ils ne se supportent pas. Le loup représente l'ennemi public numéro un, non seulement des éleveurs et des bergers comme aujourd'hui, mais également de l'économie entière à une époque où les animaux de trait, évidemment, assuraient les transports, assuraient également l'industrie, à une époque où les placements des gens des villes s'exerçaient dans le bail à cheptel, qui est l'équivalent du livret A de l'époque. On comprend donc que toute prédation du loup sur l'animal domestique mettait en péril bien au-delà que la simple économie rurale. C'est très important ce que vous dites, c'est qu'en gros, le loup, si vous me passez l'expression, bouffait le capital quelque part. Hein, ça faisait, ça, on avait peur qu'il mange les économies, en fait. Occasionnellement, oui. et dans des cas extrêmes, même pour l'industrie, il entraînait des grèves, puisqu'il n'y avait plus d'approvisionnement de minerais de fer, par exemple, dans certaines forges jusqu'en 1830. Et d'autre part, quand il y avait des loups enragés, il y a eu même des grèves de bûcherons en Lorraine, à Sainte-Menou, à l'époque même de la bête du Gévaudan. Alors, c'est la raison pour laquelle on va mettre sur place ce système, cette politique des primes. C'est-à-dire que non seulement la chasse au loup est bienvenue, mais ceux qui sont capables de rapporter une tête de loup se voient décerner par les autorités, qu'elles soient ecclésiastiques ou royales, se voient décerner des primes en vérité. Tout à fait, c'est un processus qui intéresse l'Europe entière depuis l'Antiquité, qui se généralise au Moyen-Âge, Et qui devient quasiment universel au XIXe siècle. En France, on le voit très bien, à travers des primes qui sont d'abord locales et régionales, qui intéressent notamment les grands domaines féodaux et le domaine royal d'abord. Ensuite, tous les pays qu'on appelle les pays d'élection, là où le roi peut imposer comme il le souhaite l'impôt aux populations, et il y a en quelque sorte un impôt loup, c'est-à-dire une taille supplémentaire pour lutter contre le loup. Mais dans les pays d'État, là, il n'y a pas d'impôt contre le loup. En revanche, la révolution arrivée, les pays d'État sont ceux qui ont une certaine autonomie, on va dire. Oui, qui administrent même leurs impôts. Alors, on a vu à quel point le fils de Louis XIV avait été un dévastateur. Lui, dans son cas, ça tournait presque à la monomanie. Hein. Il était à l'obsession. Oui. Effectivement, plus de 1 millier de loups qui ont été tués dans les quelques 25 années pour lesquelles on est renseigné. Il y a des années pour lesquelles on n'a pas de renseignement. Donc il est vraisemblable qu'il a bien tué 1500 loups dans sa vie, mais il avait de qui tenir chez les Bourbons parce que son grand-père, c'est-à-dire Louis XIII, était un maniaque de la chasse aux loups. Et il essayait de dépeupler les loups autour de Paris. Il faut bien voir qu'il y avait beaucoup de loups autour de Paris, notamment autour de Gonesse. Il y a des lettres qui décrivent... Qu'est-ce qui les attirait? La présence de villes, justement? Non, ce qui les attirait, c'est qu'il y avait une économie rurale avec un élevage important et un bétail domestique, évidemment, particulièrement affriolant. Et Louis XIII écrivait même à son cardinal ministre, le Richelieu, en lui demandant s'il ne pouvait pas reculer le conseil pour lui permettre de terminer une chasse aux loups, par exemple. Oui, parce qu'alors, c'est ce que j'ai découvert, pour tout vous dire, en préparant cette émission, même si j'avais lu depuis tellement longtemps beaucoup de relations des chasses aux loups de Monseigneur. Mais c'est que là, j'ai découvert que cette chasse a un caractère très particulier, c'est qu'elle s'éternise. On peut suivre un animal pendant très longtemps. Et alors, normalement, il y a des règles à la chasse, bien entendu. Lorsque l'animal sort d'un certain secteur, on ne le poursuit plus, etc. Mais le loup, si, on va jusqu'au bout. C'est ça qui est assez étonnant. Surtout quand il s'agit d'un loup adulte, d'un grand loup, voire d'un vieux loup. C'est vraiment une passion cynégétique extraordinaire de la part des grands veneurs que de courir le loup, car le loup est un animal extrêmement rusé et intelligent. Il donne le change, notre expression vient de lui, c'est-à-dire qu'il sait en quelque sorte reprendre la trace d'un autre animal chassable pour égarer les chiens à la piste, derrière la piste par exemple d'un cerf ou bien d'un chevreuil, afin de les détourner. D'autre part, il faut force de chien pour pouvoir arriver à l'animal, des chiens différents, des chiens livriers bien entendu, mais des dogs également pour l'achever, des chiens courants aussi. On est impressionné par l'ampleur de la mobilisation canine qui est nécessaire en dehors des équins pour pouvoir faire vraiment une chasse au loup. Car le loup est un animal extrêmement méfiant, rusé, intelligent et endurant qui peut faire des dizaines et des dizaines de kilomètres et s'adapter à toutes les situations. Oui, ça c'est assez évidemment pour un chasseur, ça devait être assez extraordinaire. Il ne faudrait pas croire que cette chasse au loup se soit arrêtée avec la Révolution. On continue à verser des primes encore pendant tout le 19e siècle. Oui, alors il y a les primes, mais il y a également ces chasses dont on parle. Les primes, elles sont valables pour tout le monde depuis le mendiant jusqu'au grand seigneur qui les donne à son piqueux. Mais en revanche, les grandes chasses, elles sont l'apanage évidemment des aristocrates qui ont des meutes suffisantes pour s'adonner à cet exercice et qui constituent une pépinière de lieutenants de louveterie au XIXe siècle. Alors, en Bretagne, pour revenir sur la Bretagne, le dernier loup n'est pas de 1830, car le baron Alna du Fretay encore, qui était lieutenant de louveterie dans le Finistère, a tué son dernier loup vers 1890 et celui du Finistère, c'est en 1895. Mais alors, vous êtes en train de tuer la chute de mon histoire, tout simplement. Mais il y a eu effectivement des loups, donc on va dire jusqu'au tournant des années 1900. Et alors après, ça disparaît complètement. À partir des années après la Première Guerre mondiale, on n'a plus de loups en France. Il n'y en a quasiment pas. On ne peut pas dire qu'il n'y en a plus. Il y a sans doute quelques représentants de l'espèce, quelques dizaines. Les derniers primo-loups datent des années 20. C'est-à-dire tout à fait étonnant, en 1927, on a inauguré tout récemment la peau du dernier loup primé en France, tout au moins en l'état de la recherche, c'est à Saint-Jacques-des-Blats dans le Cantal en 1927. Le préfet avait accordé une prime. Mais en 1954, on est quand même là tout près de chez nous, quand un loup a été tué près de Grenoble, à Vigneux, eh bien les chasseurs réclament une prime. Et l'État se défausse en disant qu'il n'a plus de sous et qu'il n'y a plus de budget dans le ministère de l'Agriculture pour récompenser les loups depuis 1923. Ce qui est faux, puisque l'historien montre qu'il y a eu des primes jusqu'en 1927. Il se défausse au Conseil général de l'Isère, et c'est le Conseil général de l'Isère qui donne deux primes de 5 000 francs en 1954, à ces chasseurs grenoblois, juste 50 ans avant que d'autres chasseurs près de Grenoble reçoivent une amende de 4000 euros pour avoir tué un loup. On a l'impression, à vous entendre, que le prédateur n'est peut-être pas là où on l'attendrait. Alors justement, nous allons voir sur quoi se greffait cette peur du loup et quels ont été ces produits culturels, car évidemment, de cette espèce d'obsession du loup est né tout un imaginaire à travers les contes, à travers les chansons populaires, etc. C'est ce que nous allons voir avec vous, Jean-Marc Morisseau, dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Cha-cha-cha du loup. Cha-cha-cha du loup. Cha-cha-cha du loup. On a reconnu Serge Gainsbourg sur Europe 1 avec son cha-cha-cha du loup. On en parle du loup cet après-midi dans Au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Jean-Marc Morisseau, normalien, agrégé d'histoire, professeur à l'université de Caen, auteur notamment de L'homme contre le loup, une guerre de 2000 ans aux éditions Pluriel. Et puis auteur d'un très bel album que je suis en train de feuilleter chez Montbel, ça s'appelle Sur les pas du loup, et c'est un tour de France historique et culturel du loup, du Moyen-Âge à nos jours, avec énormément de cartes, avec une sorte de relevé des différentes zone où se sont manifestés les loups à différentes périodes. On a même cette carte de France avec l'ensemble des foyers, les principales bêtes anthropophages notamment. Je vois par exemple dans la région en Touraine, hein, 1742-1755, là il y avait la bête. On parle toujours de la bête du Gévaudan, mais il y en a eu tellement d'autres, hein, de ces bêtes anthropophages. Une centaine au moins. Ouais. Et une bonne dizaine bien plus grave que la bête du Gévaudan. Celle de Touraine avait notamment attiré l'attention parce que le roi Louis XV y avait envoyé sa lieutenance de louveterie pour la combattre, et cette lieutenance de louveterie n'a pas pu entrer dans la forêt d'Amboise parce qu'il y avait un autre officier du roi, le maître des eaux et forêts, qui lui a interdit l'entrée de la forêt. Ça, c'est toutes les finasseries de la bureaucratie, voilà, d'Ancien Régime. Hein. Et pendant ce temps-là, les loups continuent à dévorer les enfants tranquillement jusqu'à ce que le roi fasse embastiller en quelque sorte son officier des eaux et forêts. Mais alors, est-ce que précisément les loups dévorent les enfants? Ça, c'est une question fondamentale. On ne va pas faire de zoologie à ce micro cet après-midi, mais tout de même, revenons en quelques mots sur le comportement des loups. Est-ce que le loup est dangereux pour l'homme, Jean-Marc Morisseau? Ordinairement, non. Occasionnellement, oui, bien voilà, sûr. C'est ça. Il peut l'être quand il est enragé, cela va de soi. Et là, c'est terrifiant, parce que un loup enragé peut mordre cruellement tous les êtres vivants qu'il rencontre sur son passage, créer des blessures vraiment extrêmement graves, et entraîner la rage de laquelle on ne revenait pas après une mort atroce quelques semaines ou quelques mois après. Mais aussi, le loup peut être un prédateur, c'est le loup du petit chaperon rouge, et choisir au sein de l'humanité des victimes qui sont des êtres faibles. Là, c'est un loup d'Ancien Régime, en quelque sorte, qui respecte la noblesse, qui respecte le clergé, et qui ne s'en prend qu'aux petits du tiers-état, c'est-à-dire à ceux qui sont très vulnérables, qui gardent les troupeaux, des troupeaux de vaches et pas des troupeaux de moutons, dans des pâturages dispersés aux portes des forêts. Et c'est ce qu'on voit très souvent, jusqu'encore au XIXe siècle. Alors évidemment, ces grandes bêtes fauves sont des exceptions, vous nous dites-vous, dans l'histoire, mais néanmoins, ce sont elles qui ont marqué l'imaginaire, et la peur du loup, elle vient essentiellement de là, bien entendu. Notre imaginaire négatif à l'égard du loup, qui n'est pas propre à la France, contrairement à ce qu'on veut bien dire, oui, puisqu'on le voit également en Italie, on le voit en Allemagne, on le voit également en Espagne, quand on fouille un peu l'histoire. Mais évidemment, la France, qui a connu l'une des populations de loups les plus importantes de l'Europe en dehors de la Russie, a été marquée, j'allais dire à vie, par la présence du loup et sa dangerosité depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et ces grandes bêtes, qui sont occasionnelles bien entendu, mais qui semaient la terreur en semant les victimes, des dizaines de blessés, des dizaines de morts, voire des centaines, ont marqué de manière tragique la mémoire sur plusieurs générations dans une vingtaine de régions françaises. Alors justement, Émeric nous demande via Twitter si en Italie et en Espagne, où le loup a toujours été présent, on constate la même peur de cet animal. Bien entendu, si on veut bien le regarder. C'est-à-dire que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. En Italie, des chercheurs qui ont travaillé sur deux provinces de l'Italie, la Lombardie et le Piémont simplement, ont retrouvé 850 victimes humaines de loups prédateurs entre 1750 et 1860. Ah oui. uniquement sur deux provinces, uniquement sur un siècle. En Espagne, beaucoup plus récemment, en 1962 et encore en 72, 3-4 enfants simplement ont été dévorés par des loups alors qu'ils gardaient des troupeaux. Et il y a eu un rapport qui a été fait au Conseil de l'Europe, mais qui n'a pas été trop publié. Ce sont les deux grands loups tués par le roi de l'Hernani de Hugo. En Espagne, on y pense forcément. Je suis passionné par vos histoires, nous dit Emma. Merci Emma. Et vous parlez de la chasse aux loups. Je possède des collets, donc des chiens collets. J'ai appris qu'il y a quelques années qu'en Grande-Bretagne, on utilisait ce chien pour chasser le loup. Est-ce que c'est authentique? Alors certainement pas, parce que les Anglais ont tué tous leurs loups au XVIIe siècle. Ils ont laissé aux Écossais le soin d'exterminer les derniers loups au début du XVIIIe siècle, ce qui leur a permis de développer un élevage à l'air libre, en particulier un élevage de moutons qui faisait pâlir de jalousie Colbert et même encore Napoléon, parce que les moutons français ne pouvaient pas se comparer aux moutons anglais à cause des loups. La laine anglaise était évidemment bien meilleure, puisque les moutons couchaient dehors, et on avait proposé à Colbert, puis à Napoléon, de mettre pas mal de loups français à fond de cale pour qu'ils puissent aller en Angleterre afin de récupérer un petit peu un peu d'égalité dans la balance d'échange. Mais ça n'a jamais donné lieu à réalisation. Ah oui, ça aurait été une manière assez insidieuse de mener la guerre aux Anglais. Alors, on peut évidemment évoquer un grand nombre d'affaires, on peut dire que certaines régions ont été meurtries par les loups, évidemment. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le loup comme animal diabolique, comme représentation du mal et du danger, n'est qu'une construction progressive. On se pense évidemment à la louve romaine alimentant Rémus et Romulus, et l'on pense que le loup a été un animal connoté positivement pendant longtemps. Alors attention à notre regard du 21e siècle. On projette beaucoup, d'une part nos fantasmes, d'autre part nos manières de penser sur les époques antérieures. Je pense qu'il y avait très peu de gens qui considéraient positivement le loup, oui. Contrairement à ce qu'on veut bien croire, au Moyen-Âge, à l'époque antique et même au XVIIe et au XVIIIe siècle. Des engrins, oui. On a cette image de la louve du Capitole pour laquelle on pourrait discuter de l'identité. Est-ce que c'était une prostituée ou un animal réel? Loupa étant avec deux sens dans l'Antiquité. À la même époque, on a des bas-reliefs romains qui montrent des louves qui et dévorent vraiment des enfants. On a des monnaies gauloises qui montrent des loups qui dévorent des enfants aussi. Les antiquistes ont trouvé des stèles. Oui, donc le loup faisait déjà très peur. Occasionnellement, faut pas non plus tomber dans l'autre versant. Les antiquistes ont montré des stèles d'enfants dévorés par des loups. C'est des cas particuliers, occasionnels, comme il y en a eu en France aussi. Mais un peu plus nombreux parce que les sources sont beaucoup plus massives. Et on peut vraiment mesurer tout cela à partir du 15e et du 16e siècle. Alors c'est assez étonnant de voir que au 16e siècle et surtout au 17e siècle, le loup devient un véritable personnage. Il l'avait été dans le roman de Renard, etc. Mais là, il devient le méchant des contes, en quelque sorte. Et l'on pense évidemment aux contes de Mamerlois. C'est notre principale source en France. D'où vient cette personnification du loup, en quelque sorte? Eh bien, d'une très bonne idée de Perrault, qui a considéré qu'il allait pouvoir intéresser le public des villes, entendait évidemment le public lettré, riche, bien protégé derrière les murailles, qui ne courait aucun danger, à l'égard du petit chaperon rouge ou bien du petit pousset. Voilà. Parce qu'au même moment, il y avait des centaines d'enfants qui étaient dévorés par les loups. Entre 1690 et 1700, époque où Perrault écrit ses contes de la Merlois et les publie, on observe le paroxysme des attaques de loups en France sur des enfants essentiellement de 7 à 13, 14 ans qui gardaient des troupeaux, surtout des vaches, aux portes des forêts. Et c'est évidemment, ça va donner lieu à pas mal de suites. Un grand nombre d'épigones vont multiplier la présence du loup dans toutes sortes de contes, pas seulement en France d'ailleurs. Oui, oui, bien entendu, mais il faut bien voir que tous ces contes que l'on voit au XVIIe, au XVIIIe siècle tirent parti d'un contexte historique réel. Ils n'auraient pas remporté tant de succès sinon. C'était tellement agréable à la veillée, quand on était riche et bien protégé, de pouvoir faire frémir ses enfants à l'idée que les pauvres, les plus misérables et les mendiants, eux, avaient des enfants qui se faisaient dévorer par les loups. Le loup comme symbole d'extériorité dangereuse, en quelque sorte. Oui, c'est l'image du sauvage négatif, c'est ça, en voilà, quelque hein. sorte. Alors qu'aujourd'hui, l'animal c'est de la nuit aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. À une époque où il est, où on s'éclaire beaucoup moins qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Effectivement, mais l'historien montre que quand même, le loup attaque dans la journée, évidemment, là où les enfants sont présents, non pas l'hiver d'ailleurs, mais surtout au printemps et à l'été, là où les enfants sont dispersés dans tout l'espace rural, avec le bétail, et à toutes les heures de la journée, mais évidemment, peut-être davantage au début et à la fin de la journée, à des heures où effectivement la lumière est moins intense. Mais pas la nuit, puisque la nuit, les enfants sont chez eux. Ah oui. Alors on avait évidemment toutes sortes de moyens de se protéger du loup. Les voyageurs notamment étaient très équipés, il ne faut pas l'oublier. Et ça jusque dans le 19e siècle, loin dans le 19e siècle. Alors on se protégeait comme on pouvait. Les enfants, eux, on ne les protégeait pas parce que de toute façon, on n'avait pas les moyens de les protéger. Les enfants qui étaient à côté des vaches, en quelque sorte, devaient faire l'épreuve du loup. La plupart, de toute façon, triomphaient du loup parce que la plupart des loups ont peur de l'homme. Et la plupart des rencontres qui avaient lieu entre l'enfant et le loup se terminaient par la victoire de l'enfant. À l'époque de la bête du Gévaudan, quand on voit Portefaix, ce jeune garçon de 13-14 ans qui triomphe de la bête du Gévaudan avec ses congénères, il devient un héros. Il ne fait que reprendre finalement des milliers de comportements enfantins qui résistaient au loup. Mais dans certains cas, et quand il y avait 20 000 loups en France, il y avait peut-être quelques dizaines de ces cas-là par an, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il y avait quelques loups qui attaquaient l'enfant en trouvant que c'était beaucoup plus facile comme proie à prendre évidemment qu'une vache. Oui, bien sûr. Alors, on n'évoquera pas aujourd'hui les figures du loup-garou, ni celle de l'enfant-loup qui avait fait l'objet ici même d'une émission à part entière, mais ça, toutes ces figures donnent une idée de l'importance du loup, encore une fois, dans l'imaginaire collectif. Hein. Il a disparu. Est-ce qu'il a d'ailleurs vraiment disparu? Est-ce qu'aujourd'hui encore on raconte des histoires de loups aux enfants? Oui, mais on a complètement changé leur connotation. On s'évertue depuis 40 ans à bouleverser, à inverser complètement l'image du loup. Vous aurez bien du mal à trouver dans la littérature enfantine des images de loups négatifs comme celles qui ont hanté l'enfance de nos grands-parents. Il y a eu une sorte de pédagogie du renversement de l'idéologie à l'égard du loup qui va jusqu'à l'angélisme à l'égard de l'animal. Oui, maintenant c'est devenu presque l'excès inverse. Merci beaucoup Jean-Marc Morisseau. L'homme contre le loup, une guerre de 2000 ans, cette position plurielle, et puis sur les pas du loup, cet extraordinaire atlas de l'histoire du loup en France. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Greg, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Depuis quand remonte la tradition du droit du sol en France? Est-ce depuis la Révolution, Henri III, ou bien plus loin encore? Alors, c'est vrai qu'on parle souvent d'Henri III dans cette affaire, mais sans raison particulière. Ce qu'il faut vous dire, c'est que sous l'Ancien Régime, les flux migratoires sont relativement faibles, évidemment. Être français, être sujet du roi de France, à l'époque, ça dépend tout simplement d'une fameuse lettre de naturalité qui est délivrée par le roi aux étrangers qui en font la demande. Il n'y a pas du tout la même notion de nationalité qui va apparaître, évidemment, un peu plus tard. Avec la Révolution, avec la notion de citoyenneté, de droit et devoir du citoyen, avec tout simplement la conscription, la naissance de la nation en tant que telle, alors évidemment, on va se poser la question droit du sang, droit du sol. Peut-être français, celui qui réside en France depuis un certain temps. Alors les lois vont évoluer avec le temps, elles bougent beaucoup. À cette époque, c'est sous Napoléon qu'en fait le droit du sang est adopté. On est tout simplement français si ses parents le sont. Le 19e siècle ne s'ouvrira que peu à peu au droit du sol, d'abord avec la célèbre loi de 1851, la double, ce qu'on appelle le double droit du sol, c'est-à-dire que est français à la naissance tout individu né en France d'un parent qui lui-même se trouve être français. Et puis la loi de 1889 va encore étendre ça. On voit que peu à peu, le législateur français va trancher en faveur du droit du sol, en faveur de l'ouverture, de l'intégration, de l'accueil. Les grandes lois qui ont fixé le code de la nationalité sont les lois de 1927, 1945 et celle de 1973 qui, vous savez, a modifié le code de la nationalité en tenant compte de l'accession à l'indépendance de la plupart des territoires qui autrefois constituaient donc l'Empire colonial, puis l'Union française, puis les TOM. Il consacre ce droit, la totale égalité entre les hommes et les femmes en matière d'acquisition de la nationalité, ce qui, là encore, n'a pas toujours été de soi. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui avec les experts européens, eh bien je vous propose de passer l'hiver sans la goutonner, sans la voix qui flanche, Franck, ça pourrait vous intéresser. Oui, beaucoup. Le tout de façon naturelle. Comment passer l'hiver sans tomber malade, c'est maintenant sur Europe 1. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant au 39-21, c'est 34 centimes d'euros la minute, ou sur europe1.fr, Franck. Merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain Céline. À demain Franck. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.